La chanson qui suit, c'est une chanson qui parle de Sam. Est-ce que vous connaissez Sam? C'est le gars qui va rentrer en voiture. Et ben voilà, la chanson va aller pour lui. C'est une reprise de nous-mêmes, comme Chris le dit. Ce soir, c'est l'alcool qui fait sa loi. Merci pour lui. Alors ça, c'était trop un coup de gueule, comme ça qui roule bourré, quoi.